Et quand il fait chaud, quand il fait beau, comme le dit la contrepétrie belge, quoi de meilleur qu'une bonne bière ? Que vous pouvez trouver au bar à un prix défiant toute concurrence grâce à notre ami Max. Oh là là, oh là là là là là là, ah non non. Déjà chez les Grecs, on connaissait ton nom, la bière. Des céréales, de la fermentation, la bière. À toi chérie, je dis jamais non. Grâce à toi, je résiste à la pression. Avec toi, j'ai presque intelligent. Et des fois même très très méchant. La bière, la bière, la bière, la bière, la bière. Merci la bière, merci la bière. La bière, la bière, la bière, la bière, la bière. Merci la bière. Déjà chez les Grecs, on connaissait ton nom, la bière. Céréales, de la fermentation, la bière. À toi chérie, je dis jamais non. Grâce à toi, je résiste à la pression. Avec toi, des fois j'ai l'air malin. Et tout le temps